le cortège de l'Interraimi. Il lui fit traverser tout Cusco, et Raymond ne voyait rien de l'antique Cusco cyclopéen sur lequel est construit le Cusco moderne. Il passait au milieu de cette ville prodigieuse qui fut élevée, sans doute, par des géants ou par des dieux, car les blocs de granit et de porphyre dont elle est faite n'ont pas bougé depuis qu'une force inconnue aux hommes de notre temps les a amenés là. Et ils ne bougeront jamais, et ils mourront avec la terre, cependant que le souffle du ciel ou le tremblement des monts aura, depuis longtemps, fait disparaître les petites bâtisses des conquistadors. Il passait aveugle au milieu de ces effarants vestiges du passé. Il marchait, suivant la foule, suivant le vieillard, qui le conduisait à une nouvelle étape du martyr de Marie-Thérèse. Ils sortirent de la ville, et Orellana, le prenant par la main, comme il eût fait d'un enfant, lui fit gravir le monticule appelé en quichua Kisiyo-Ungu-Ina, l'endroit où danse le singe. Là, ils durent gravir un des blocs granitiques, sculptés et transformés par les travailleurs incas, en terrasse, en galerie, en marche géante. D'innombrables Indiens couvraient déjà ces pentes surnaturelles, et tous avaient les regards tournés vers le Sacsayhuaynam, la colline de pierre, le fort cyclopéen, premier témoin de la grandeur des anciens âges. Sa longueur dépasse 1000 pieds, et il possède 3 murs d'enceinte, montant les uns au-dessus des autres, et creusés de niches, où, ce jour-là, comme autrefois, s'abritaient les sentinelles. Tous les yeux étaient donc tournés vers le Sacsayhuaynam, et tous les yeux, sur le Sacsayhuaynam, regardaient l'Intihuatana, qui est le pilier où l'on attache le soleil. Orellana, de sa voix cassée, expliquait, comme un guide qui ne saurait perdre l'habitude d'expliquer. « Vous voyez, Seigneur, le pilier qui servait aux Indiens à mesurer le temps. C'est lui, aujourd'hui, qui distribue, comme il convient, les heures de la fête. C'est une pierre religieuse, érigée pour fixer l'époque précise des équinoxes. C'est pourquoi on l'appelle Intihuatana, où l'on attache le soleil. Ah ah, attention, tenez, voilà la procession qui commence. Il faut que vous sachiez que les couloirs de la nuit s'étendent sous la ville et la campagne, entre la maison du serpent et le Sacsayhuaynam. Quand ma fille sortira des couloirs de la nuit, ce sera pour faire le tour du Sacsayhuaynam et le tour de l'Intihuatana. Alors, le soleil ayant été détaché par le grand prêtre, la procession s'en ira vers les portes de la ville. » En effet, Raymond voyait maintenant, très distinctement, tout un cortège qui se formait autour des murailles, et il distingua en tête Huascar qui donnait des ordres. Alors il ne s'occupa plus d'Orellana, et courut de ce côté, et se rapprocha le plus qu'il put de la procession, sans parvenir toutefois à percer les rangs des premiers Indiens qui remplissaient l'air de leurs cris. Il n'était pas trop loin du pilier à mesurer les solstices. Il put voir que cette colonne solitaire, placée au centre d'un cercle, toute chargée de guirlandes de fleurs et de fruits, était surmontée d'un trône doré. Exclusivement réservé au soleil, ce trône, qui avait disparu depuis des siècles, avait été apporté là avant l'aurore du fond des couloirs de la nuit. Étourdi par les cris, les chants, les bousculades, Raymond dut attendre là pendant plusieurs heures, luttant avec une astuce silencieuse pour garder sa place. Il ne voyait plus Huascar, et il finit par comprendre que les quelques prêtres qui tournaient insensément autour de l'Intihuatana attendaient l'heure de midi. Enfin, il revit Huascar qui était revêtu d'une chape d'or qui brillait comme le soleil lui-même. Tourné vers le fauteuil du soleil, le grand prêtre attendit quelques secondes. Puis il cria, en aïmara, cette phrase qui fut répétée de toutes parts en quichua en espagnol, « Le dieu est assis dans toute sa lumière sur la colonne. » Et après avoir attendu encore quelques secondes, il frappa dans ses mains et donna le signal de la marche de tous. Le dieu était délivré, c'est-à-dire qu'après avoir visité son peuple, il continuait librement son chemin dans les cieux. Le peuple le suivit sur la terre, de l'est à l'ouest. Ce fut d'abord le cortège sacré qui s'ébranla, Huascar en tête, suivi de quelques centaines de serviteurs du dieu, habillés simplement, et employés à débarrasser le chemin de tout obstacle, et chantant dans leur marche les chants de triomphe. Puis une centaine de personnages leur succédèrent, vêtus d'une étoffe éclatante à carreaux rouges et blancs, disposés comme des cases d'un échiquier. À leur aspect, le peuple cria « Les Amotas, les Amotas !» c'est-à-dire les sages, et il leur fit fête. Puis d'autres vinrent, qui étaient tout en blanc, portant des marteaux et des massues en argent et en cuivre. C'étaient les appariteurs du palais royal. Puis les gardes, ainsi que les gens de la suite immédiate du prince, qui se distinguaient par une riche livrée azur et par une profusion d'ornements éclatants. Enfin les nobles, qui avaient d'énormes pendants d'oreilles. Toute la procession descendait du Sacsayhuaynam vers la plaine, et ce fut le tour de la vaste litière qui portait le double trône d'or d'apparaître aux yeux éblouis du peuple assemblé. 1000 acclamations montèrent vers elle, à l'aspect du roi défunt et de sa compagne vivante, cris mêlés d'enthousiasme pour le descendant de Manco Capac et de haine sauvage pour celle qui représentait la race conquérante, la victime qu'on allait offrir en holocauste à l'astre du jour. Sur tous les gradins, une clameur funèbre la salua. « Muera la Kwaya, muera la Kwaya !»« À mort la reine, à mort la reine !» Marie-Thérèse paraissait déjà aussi morte que le roi, son compagnon. Elle se laissait balancer au rythme des pas des nobles incas, porteurs de la litière. Elle était d'une beauté de statue et aussi blanche que le marbre le plus blanc, et elle avait toujours dans les bras le petit Cristobal, comme une Vierge Marie, l'enfant Jésus. On leur avait enlevé, à la sortie des couloirs de la nuit, leur robe de chauve-souris pour leur revêtir la tunique de laine de vigogne, si fine qu'elle avait l'apparence de la soie. Les deux mamakona qui devaient mourir venaient derrière la litière, la tête entièrement recouverte de leur voile noire. Les autres mamakona et les trois gardiens du temple avaient disparu. Enfin, le cortège se terminait par une compagnie très mêlée de soldats quichua qui avaient le fusil sur l'épaule et qui marchaient au pas au son des flûtes d'os de mort. Les joueurs de Kenya fermaient la marche. Le contraste était assez savoureux du spectacle de ce cortège antique et de ce bout d'armée moderne, mais seul l'oncle Ozou eût pu en jouir, et l'oncle Ozou n'était pas là. Quant à Raymond, aussitôt qu'il avait aperçu Marie-Thérèse, il était devenu comme fou. Ne pouvant pénétrer plus avant dans la foule, il s'était rué en arrière pour pouvoir courir vers les portes de la ville où il espérait bien se placer directement sur le passage du cortège. Mais au moment où il atteignait les derniers degrés de la colline du singe qui danse, il fut immobilisé par la foule immobile, tournée vers le sommet du Sacsayhuaynam, où apparaissait, tout en haut de la plus haute tour, la silhouette éclatante, rouge, dans l'azur d'un prêtre, dont la voix se répandait sur la plaine. Raymond reconnut le prêcheur de la pierre du sacrifice, le moine rouge de Cajamarca, et il sut qui il était, car autour de lui on murmurait. Le grand officier des Kipukamias, c'est-à-dire des gardiens du Kipus, c'est-à-dire des gardiens de l'histoire. Et la voix descendue du Sacsayhuaynam chantait, pendant que le cortège s'était arrêté, la gloire d'autrefois. Puis elle rappela le jour où l'étranger était entré pour la première fois dans cette plaine avec son armée diabolique après la mort d'Atahualpa. Le soleil, comme aujourd'hui, inondait de ses rayons la cité impériale, où tant d'autels étaient consacrés à son culte. Alors, d'innombrables édifices, dont ils ne devaient faire que des ruines, couvraient de leurs lignes blanches le centre de la vallée et les pentes inférieures des montagnes. La multitude des Incas s'en était allée au-devant de son nouveau maître, dont la terreur où l'avait jeté l'affreux sacrilège, le crime qui avait frappé la divinité sur la terre. Ils avaient regardé avec épouvante ces soldats dont les exploits avaient retenti dans les parties les plus reculées de l'Empire. Ils avaient contemplé, étonnés, leurs armes brillantes, le teint de leur visage si blanc qui semblait les proclamer les véritables enfants du soleil. Ils avaient écouté, avec un sentiment de crainte mystérieuse, la trompette qui jetait des sons prolongés à travers les rues de la capitale et le sol qui résonnait sous les pas pesants des chevaux. Et puis ils avaient fini par se demander, en ce temps-là, de quel côté était l'imposture. Car le chef des étrangers traînait avec lui Manco, le descendant des rois, et agissait en son nom et commandait en son nom. Quand le soleil s'était caché ce jour-là derrière les cordillères, on eût pu croire que l'empire des Incas avait vécu. mais il n'en est rien, reprenait la voix avec une force nouvelle. Il n'en est rien, puisque le soleil brille toujours sur ses enfants, puisque les andes nourricières dressent encore leurs pics dans les cieux, puisque Cusco, le nombril du monde, tressaille toujours à la voix de ses prêtres, puisque dans la plaine sacrée, le Sacsayhuaynam et l'Intihuatana sont toujours debout, et puisque se déroule au pied des murailles saintes, comme jadis, le cortège de l'Interraimi.